Les chercheurs d'or, par Auguste Glardon. Il y a 15 jours, j'étais à Valorbe, dans le Jura, avec mon ami Constantin, qui est grand amateur de pêche. Nous avions quitté le village dans la matinée pour aller tenter fortune à la dernière, et nous n'étions plus qu'à 300 ou 400 pas de l'usine lorsqu'en tournant un bouquet de saules, nous vîmes un spectacle qui nous étonna. Une trentaine de forgerons, têtes et bras nus, se tenaient en demi-cercle autour d'un épais buisson de verne, dont les branches inférieures plongeaient dans la rivière. Ils semblaient en extase devant ce buisson comme devant une merveille de la nature. « Voilà qui est étrange, » fit Constantin. « Qu'est-ce qu'ils ont à regarder ce buisson? Ce ne sont pourtant pas des botanistes. » J'allais répondre que je n'en savais pas plus que lui, lorsque le forgeron Bernard nous aperçut. « Ah, monsieur le docteur, » s'écria-t-il, « venez donc voir. » Nous accourûmes. Alors Bernard écarta des deux mains les masses de feuillage, et je vis un vieillard misérablement vêtu assis dans l'eau qui lui montait jusqu'à la taille. Sa tête chauve, retenue par un nœud coulant, oscillait sur sa poitrine, et ses longs bras maigres flottaient à ses côtés. « Miséricorde !» m'écriai-je en me jetant à l'eau à travers le branchage serré de la verne. « Il n'est peut-être pas mort !» Les assistants se récrièrent. « Ne le touchez pas, monsieur le docteur, ne le touchez pas !» On allait quérir le garde champêtre. Il sera là dans un moment. « Je crois en effet, » dit Bernard, « qu'il vaut mieux attendre le garde champêtre. Il dressera procès-verbal. »« Je me moque bien de votre procès-verbal, » s'écria Constantin en se jetant à l'eau pour me rejoindre. « Est-ce votre procès-verbal qui rendra la vie à ce malheureux ?» J'avais déjà enlevé le nœud coulant et pris le pendu à bras-le-corps. Avec l'aide de mon ami, je le tirai sur la berge. Mais il était trop tard pour le sauver. La langue pendante et tuméfiée, les yeux injectés, les membres rigides, indiquaient que la strangulation avait produit la mort. « Sur ma parole, » fit le forgeron Ramur en se baissant pour examiner le cadavre, « je crois que c'est le père Matriquet. »« Le père Matriquet ?» répéta Bernard. « Pas possible, un homme si rangé. »« Faut croire qu'il avait un chagrin, » fit sentencieusement un des assistants. « Un chagrin ?» reprit le gros Ramur d'un ton rogue. « Allons donc, le père Matriquet puni par où il a péché. » Quand on se tient à l'écart toute sa vie, sans vouloir jamais payer bouteille à qui que ce soit, voilà ce qui arrive. Le noir vous monte à la tête, on fait une mauvaise fin. Souviens-toi de ça, chalumeau. » Le jeune forgeron, interpellé de la sorte, sourit d'assez mauvaise grâce et murmura. « On verra voir, papa Ramur. » Sur ces entrefaites, le garde champêtre arriva, suivi de deux hommes qui portaient un brancard et d'une longue file de curieux. On mit le cadavre sur le brancard, et toute la troupe reprit le chemin du village, tandis que les forgerons rentraient à l'usine. Je restais seul avec Constantin au bord de la rivière. « As-tu encore envie de pêcher ?» lui demandai-je. « Non, et toi ?»« Pas davantage. La vue de ce pauvre Matriquet m'a remué jusqu'au fond de l'âme. »« Tu le connaissais ?»« Sans doute. » Il n'y a pas 8 jours que j'ai longuement conversé avec lui. C'était la veille de ton arrivée. Alors tu sais peut-être ce qui l'a poussé au suicide. À peu près. Je me doutais que le pauvre homme aurait une cruelle déception. Tu me donnes envie d'en savoir davantage, fit Constantin en me prenant le bras. Allons nous asseoir là-bas, sous ces hêtres. Nos vêtements sécheront en route, si tu veux. Tu me raconteras l'histoire du père Matriquet, volontiers. Je suis peut-être le seul qui la connaisse. C'est donc un véritable roman? Non, mon cher, il manque l'intrigue, qui est de rigueur dans un roman. S'il te faut une intrigue... Oh, je m'en passe, pourvu que l'histoire soit intéressante. Elle est triste, mais instructive. Tout en parlant, nous avions traversé les prés, puis la route qui longe le bas de la montagne de Praliou, et nous étions entrés dans un petit bois de hêtres, massé sur une éminence qui domine le vallon. À nos pieds, l'orbe déroulait son fil d'argent au travers des hautes herbes. En face de nous s'étalaient les grandes sapinières jetées comme un manteau de couleur sombre sur les épaules de la dent de Volion. Une maison foraine, bien blanche sous son toit de bardeaux, brillait au soleil à la lisière de la forêt. « Tu vois cette ferme ?»« Parfaitement. Est-ce là qu'il demeurait ?»« Oui. Je fis sa connaissance il y a 5 ans, à l'occasion d'une épidémie de variole. » Le médecin de Valorbe était malade. On m'avait prié de le remplacer, et je fus appelé chez Matriquet pour soigner son petit-fils, enfant d'une 12aine d'années, qui se mourait. je trouvai le pauvre vieux dans la désolation. Veuf depuis longtemps, il n'avait pour toute famille que sa bru et ce petit garçon. Il jura de m'enrichir si je parvenais à lui conserver cette précieuse existence. L'enfant se remit assez promptement, mais je refusai les trésors promis. Acte peu héroïque, attendu que le bonhomme ne les possédait encore qu'en espérance. « Comment donc ? » interrompit Constantin. « Je te trouve, moi, héroïque jusqu'à la bêtise. Qu'est-ce qu'il t'en coûtait d'accepter une part éventuelle dans l'héritage de ce brave homme ?»« Pas grand-chose, » repris-je en souriant. « Et je t'avouerai que les offres du père Matriquet firent d'abord quelque impression sur moi. » En entendant ce petit vieillard, vêtu d'une mitaine grossière, parler avec assurance des sommes fabuleuses qu'il avait à sa disposition, je faillis me laisser prendre. Je me crus en présence d'un de ces avares légendaires qui vivent de pain noir à côté de trésors accumulés par des générations de travailleurs. Je le pressai de questions, jurant de lui garder le secret de ses richesses, de lui apprendre à les utiliser. À toutes mes sollicitations, il ne répondit que par un sourire et un hochement de tête fort significatif. Pas si bête que de livrer son secret. Je finis par croire que j'avais affaire à un maniaque. Et tu vas voir que je ne m'étais pas trompé. L'année dernière, je me trouvais à Morges pour affaires. Un jour, en sortant de ville, je rencontre un petit homme voûté, couvert de poussière, qui cheminait pesamment sur la route du Jura, entraînant ses souliers ferrés. C'était le père Matriquet. Ses petits yeux gris s'étant fixés sur moi, je vis qu'il me reconnaissait. Mais à ma grande surprise, il détourna son regard et fit mine de continuer son chemin. « Hé, père Matriquet, m'écriai-je en lui barrant le passage, vous ne me reconnaissez donc pas ?»« Si fait, répondit-il en s'arrêtant avec une visible répugnance. « Vous arrivez de Valorbe ?»« En droiture, monsieur le docteur. »« À pied ?»« Oui, le chemin de fer ne connaît pas les vieilles gens comme moi, et puis ça coûte gros. »« Allons donc, repartis-je en souriant. « Un homme qui remue l'or à la pelle. Vous ne me ferez pas croire qu'une dépense de 2 francs 50 centimes effraie un richard comme vous. »« Un richard, monsieur le docteur. Si vous saviez ce qui m'amène, vous n'auriez pas le cœur de plaisanter. Mais c'est assez causé comme ça. Chacun a ses affaires. À vous revoir, monsieur le docteur. » »« Non, non, père Matriquet, je ne vous laisse pas partir ainsi. Venez déjeuner avec moi. Après, nous verrons. » Le pauvre vieux fut d'abord fort effrayé de mon insistance, mais tout à coup il parut se raviser. Il s'arrêta et, s'emparant d'un des boutons de mon habit, « Vous n'en direz rien au moins. »« Père Matriquet, vous pouvez compter sur ma discrétion. »« Eh bien, je vais chez le voyant de Morges, vous comprenez ?»« Pas le moins du monde. » Le montagnard lâcha mon habit et me regarda d'un air incrédule. « C'est pour vous moquer de moi, monsieur le docteur. » Le voyant de Morges, celui-là qui voit avec sa lunette les trésors cachés dans la terre, vous ne le connaissez pas ? Nullement. Je n'aurais même pas cru qu'il existât un homme capable d'un tour de force pareil. Monsieur le docteur, reprit le bonhomme avec un sérieux imperturbable, vous avez sauvé la vie à mon garçon. Il est bien juste que je reconnaisse vos bontés. Là-dessus, il me conta que, suivant une tradition populaire digne de toute créance, il existait sous la dent de vos lions des gisements aurifères dont il suffirait de connaître l'emplacement pour être bientôt aussi riche que l'empereur de la Chine. Plus d'un charbonnier, plus d'un pâtre s'était enrichi par la découverte fortuite de lingots arrachés aux entrailles du rocher par la main des fées. Nourri dès l'enfance de ces récits merveilleux, le père Matriquet avait passé sa vie à creuser, d'abord sans indication précise, mais après 20 années de recherches infructueuses, il s'était adressé au voyant de Morges. Il avait dès lors continué ses opérations avec plus de méthode, mais sans plus de succès, égaré, pensait-il, par quelque esprit malin. Quant à suspecter la bonne foi du magicien, il n'y avait pas même songé. « C'est, me disait-il, un homme des plus honorables. Il a d'ailleurs tout avantage à me bien renseigner, attendu que la moitié du magot lui revient de droit. » « Il va sans dire, hasardai-je, que ce brave homme ne fait pas payer ses consultations. L'espoir d'être un jour millionnaire lui suffit. »« Sans doute, mais ça coûte tout de même. »« Ah, comment cela ?»« Oh là, c'est bien simple. Il faut nécessairement apaiser le malin esprit. Sans ça, nous en verrions de belles. »« Et cela vous coûte ?»« Quatre pièces de 5 francs, monsieur le docteur. Je les dépose sur la table en entrant et, tandis que le voyant m'explique avec sa lunette par où j'aurais dû creuser, le diable emporte les pièces, ni vu ni connu. J'essayais de faire comprendre au pauvre visionnaire qu'à fouiller le sol du Jura, il perdait ses peines et que son voyant n'était qu'un mauvais drôle. Il ne voulut pas entendre raison. « c'est bon, monsieur le docteur, » répétait-il d'un air obstiné, « vous êtes plus savant que moi. Mais ça n'empêche pas que Jean-Pierre Defarge, qui était charbonnier de son état et que mon grand-père a bien connu, avait trouvé l'ouverture du grand puits d'or où la fée des époisats tient ses bijoux. Riez seulement, si cela peut vous faire plaisir. Moi, je sais ce que je dis. » Ce pauvre Defarge avait par malheur oublié de faire la prière avant de descendre dans le puits. Tout l'or qu'il rapporta se changea en feuilles sèches et quand il voulut retourner à la provision, bernique. La fée avait bouché le trou. « Mais le magot est toujours là. Il ne s'agit que de retrouver l'endroit et de creuser, creuser. » Le vieux montagnard semblait rajeunir. Son visage ridé s'était épanoui, sa prunelle dilatée étincelait. On eût dit qu'il voyait déjà le trésor. Je jugeai inutile de le contredire plus longtemps. Nous déjeunâmes ensemble à l'étoile, et sur son refus formel de me conduire chez le voyant, je le quittai en lui promettant de ne révéler son secret à personne. « Tu ne pourrais donc pas me donner l'adresse de ce voyant ?» fit brusquement Constantin. « Non, c'est dommage. Pourquoi ?»« Parce qu'il me semble que la police aurait à s'occuper de lui. Un sorcier, mais nos ancêtres auraient brûlé cet homme-là. »« Aujourd'hui, mon cher, on est plus tolérant. »« C'est égal, je voudrais bien connaître son adresse. »« Tu as revu le père Matriquet ?»« Oui, en arrivant à Balorbe, il y a 8 jours, je voulus savoir s'il était encore sous le charme. »« Et je me rendis chez lui. » Sa bruit était au jardin, sarclant un carré de choux. Je fus peiné de voir son air désolé, ses yeux rougis, sa maigreur. « Que vous est-il arrivé, Françoise ?» lui demandai-je. « Vous savez, monsieur le docteur, chacun a ses petits chagrins. Qu'est-il pour votre service ?»« Je voudrais voir votre beau-père. Est-il à la maison ?»« Non, » répondit-elle en baissant les yeux. « Et Louis ? Il est sorti avec le grand-père. »« Où pourrais-je les trouver, au village ?»« Non. » « Dans les champs ? Non. Allons, je vois que vous n'avez pas envie de parler. Je comprends, il s'agit d'un secret. Mais il faut que je vous dise, ma bonne Françoise, que ce secret n'en est pas un pour moi. Votre beau-père m'a tout dit. Seulement, je suis fâché qu'il ait entraîné son petit-fils. » À ces mots, la pauvre femme porta vivement son tablier à ses yeux. « Oh, monsieur le docteur, si vous saviez que de mal ce maudit secret nous a déjà fait !» Louis ne veut plus travailler, nos champs sont à l'abandon, et partout, partout, des dettes qu'on acquittera avec... Y croyez-vous, à ce trésor ? Non, Françoise, ce trésor n'existe pas. Alors, je vous en prie, monsieur le docteur, vous qui êtes instruit, essayez de parler à ce pauvre enfant, il ne m'écoute plus. Je pensais bien que je perdrais mes peines, mais il fallut céder aux instances de la pauvre mère, et je me mis en route pour la dent de Volion. Françoise m'avait dit que je trouverais ces hommes au pied des grandes roches qui dominent la forêt des époisats. Mais l'endroit précis n'était pas facile à déterminer. Je perdis de longues heures à parcourir en tous sens des pentes couvertes de ronces et de framboisiers, à escalader des rocs, à fureter sous bois parmi les buissons. Ça et là se voyaient les traces du travail prodigieux auquel le père Matriquet s'était livré pendant près d'un demi-siècle. Des galeries, précédé d'amas considérables de terres meubles et de débris de rochers. Mais ces énormes taupinières paraissaient abandonnées depuis longtemps à l'action de la nature, qui n'avait obstrué l'entrée et dégradé les parois. Enfin, vers 5 heures du soir, j'atteignis une ouverture pratiquée au pied d'un vieux sapin dont les branches sèches et cassées s'élevaient d'un air menaçant comme pour protéger le trésor. Au fond du tunnel, que je voyais se perdre dans d'obscures profondeurs, résonnaient sourdement les coups de la pioche. J'appelais de toute la force de mes poumons. Louis Matriquet sortit le premier du souterrain. À ma vue, il s'arrêta brusquement et prit l'attitude hostile d'un chien qui se dispose à défendre sa proie. Les deux mains appuyées sur son pic, il fixait sur moi un regard farouche. « Qu'est-ce qu'il vous faut ? » me demanda-t-il avec un grognement. Comme j'allais répondre, le grand-père parut à son tour aussi noir qu'une taupe qui sort de terre. « Ah » fit-il d'un air troublé en m'apercevant, « c'est vous, monsieur le docteur ? Oui, père Matriquet, c'est moi. Que voulez-vous? J'avais envie de vous voir. Eh bien, vous avancez dans votre besogne? Oui, grommela le vieux en jetant un regard furtif sur son petit-fils. Mais il n'y aura peut-être pas autant à partager que je vous avais dit. Oh, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Je suis même venu tout exprès pour vous conseiller de renoncer à cette folle entreprise qui ne vous causera que des chagrins. Si vous aviez étudié comme moi l'histoire des montagnes, vous sauriez que la pierre à chaux ne contient point d'or. Puisque c'est ainsi, s'écria brusquement Louis Matriquet en s'affermissant sur son pic, laissez-nous tranquilles. Nous sommes pourtant bien libres de faire ce qu'il nous plaît. Oh, parfaitement. Alors mêlez-vous de ce qui vous regarde. Doucement, Louis, fit le vieillard en posant sa main tremblante sur le bras de son petit-fils. Monsieur le docteur t'a sauvé la vie. Est-ce que ça lui donne le droit de me la reprendre? Le trésor est à nous, grand-père. Nous n'allons pas le lâcher comme ça. Qu'est-ce que ce monsieur vient faire ici? C'est notre meilleur ami. Je lui avais promis. Fallait tenir votre langue au chaud, grand-père. À présent, tout le village va nous tomber dessus. Le dialogue se poursuivit quelques instants sur ce ton d'aménité, pendant que je cherchais en vain dans mon esprit un argument propre à faire impression sur ces natures grossières. En désespoir de cause, je me décidai à parler aux fous selon leur folie. « Mes bons amis, leur dis-je, asseyons-nous là, sur la mousse, et causons tranquillement de notre affaire. Si le voyant de Morges a dit vrai, nous trouverons sous cette montagne plus d'or qu'il n'en faut pour acheter le monde entier. Ainsi, pas de jalousie. Voyons, où en êtes-vous de votre travail ?» Je m'étais assis, le dos au tronc d'un sapin. Le vieux s'assit auprès de moi, tandis que Louis restait debout, appuyé sur son pic qu'il serrait d'une main fiévreuse. « Où nous en sommes ?» répéta le père Matriquet. « Je vais vous le dire en deux mots, monsieur le docteur. Sur les 279 pieds de tunnel que le voyant nous a dit de creuser au sud-sud-est, avec une pente d'un pouce par pied en partant de ce vieux sapin que je lui avais désigné et qu'il a vu parfaitement bien avec sa lunette, il ne nous en reste plus que 12. C'est vous dire qu'avant 8 jours, nous aurons trouvé le magot. Êtes-vous bien sûr de n'avoir commis aucune erreur? Certainement. Nous avons fait la prière chaque matin avant de prendre la pioche. Le malin esprit n'aurait pas osé nous toucher. Ainsi, dans 8 jours, notre fortune sera faite. Comme vous le dites, monsieur le docteur, nous n'aurons plus qu'à puiser. C'est ma pauvre Françoise qui va être contente. Pas vrai, Louis? Les yeux du jeune homme brillaient comme des escarboucles, mais il ne répondit pas. Une supposition, repris-je. Si, après avoir creusé les 12 pieds, mettons en 15, vous alliez ne trouver que des pierres et encore des pierres. C'est impossible, monsieur le docteur, c'est impossible. Nos calculs sont juste à une ligne près. Ainsi, à supposer que vous fussiez de nouveau déçu, il faudrait en conclure que le voyant n'y entend rien et que la montagne ne contient pas d'or. Auriez-vous le courage de recommencer? Oh, pour ça, non. Ça serait bien la dernière. Mais il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, monsieur le docteur. Père Matriquet, continuai-je en posant ma main sur le bras du pauvre insensé, voilà 40 ans que vous cherchez. 43, monsieur le docteur. Soit. Voilà 43 ans que vous cherchez ce trésor. Promettez-moi que si vous échouez cette fois encore, vous renoncerez pour toujours à vos recherches. Je vous le promets. Mais soyez tranquille. Nous roulerons encore carrosse avant de mourir. Vous verrez ça, monsieur le docteur. Viens-tu, grand-père? Fit Louis Matriquet d'un ton bourru en jetant son pic sur son épaule. Oui, Louis, tu as raison. Nous pouvons faire encore 5 ou 6 pouces avant la nuit. À vous revoir, monsieur le docteur, dans 8 jours, hein? Et il suivit son petit-fils, qui avait déjà repris sa lanterne et disparu dans l'étroit couloir. Hélas! Les 8 jours ne sont pas écoulés, et tu sais, Constantin, dans quelles circonstances j'ai revu le pauvre homme. J'aurais peut-être bien fait de le surveiller, mais à mon retour au village, je trouvais ta lettre, le plaisir de te revoir. Et Françoise ? Interrompit Constantin. Françoise, j'avoue qu'après mon entrevue avec ces 2 hommes, je n'eus pas le courage de repasser chez elle. Alors, reprit mon ami en se levant avec vivacité, si tu veux m'en croire, nous irons de ce pas lui faire une visite de condoléances. Sans plaisanterie? Sans plaisanterie. Cette pauvre femme me fait pitié, et d'ailleurs... D'ailleurs? Elle pourra peut-être me donner l'adresse du voyant. » Ainsi s'achève Les chercheurs d'or d'Auguste Glardon.